vous écoutez Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. C'est Anexia. Subsequent screams seem to praise, send messages of pleasure and pain to his fuck-tainted brain. But her screams mask laughs at his dumb ass as he quicker comes. Then third and fourth one, just as dumb, invite themselves to join in. Third one wants to hit the skins old-fashioned style, while fourth one says, don't she got some DSLs, make another joint just swell to think. I wanna sink my inches into that bitch's berry-framed mouth. So one goes north, the other south, to sanctify places where in-house spirits will later wash away all traces of their ill-spoken words and complacent faces. And then, like their Minutemen predecessors, lewd aggrandized sexual endeavors and erupt, cause neither one of them could keep their weak shit up. Corrupt. Fifth one steps to her, hip-hop clothes jester, think he gonna impress her. Hey Slim, I heard you was a spinner. Sit on up top this thing, black thick and working like a winner. With the quickness, he got his pseudo thickness all up in her. But suddenly he stops mid thrust. Seems she nameless to cuz, got his stuff in a death cunt clutch. He fast falls from the force of her tight pussy punch, just like the rest of that sorry ass bunch. Now here comes six, ready to add his inactive shit to the mix, talking smack at that, saying, girl, I'ma wax that ass and stick that slit so hard you gon' be calling me God. So he proceeds to poke and prod with clumsy finger and wax sex slinger. Condoms make me last longer. Wrong, cause her motions of snatch, however detached from the situation, cause his pre-ejaculation. It seems she just wasted good pussy and time on dudes like number seven who ain't learned their lesson. He wants to enter the flesh divine by dropping a kind of semi-sweet line. Your honey hole is so fine and mile deep, I'm gonna leap into you like an ocean, do you right and make your head spin. So he jumped in and then he drowned, got lost and bound in her taut canal. Slave to the waves, made him come for days. Eighth and last one turn arrives, plies her with familiar lies. Even more familiar still, cause him she used to love, but he never could quite see above her mound. A pound of flesh is all she was, no name, no face, or even voice. So poised she rises, phoenix from the flame, finally bored with their feeble fuck games. She soon reaches behind her and takes straight aim at eight shriveled up cocks with a fully loaded Glock. Parched lips, not expressly made for milky dicks. And then she speaks. Your shrieks of horror bring me bliss, I must admit. The thought that I could shred your tips with eight quick clips excites me. See, y'all fuck with the pussy, but I fuck with your minds. Lack of soul and respect is the crime. This was a setup. Now tell me what's my name? Парень дремот и вдруг лукавый быстрый взгляд отвлекался от латыни за окном в тенистый сад. Медиц медицинский институт. Медицинский институт. Медицинский институт. Thank you.

Thank you. Ouais. Anecdote morale du jardin parfumé. Les anecdotes morales, ô roi fortuné, sont celles que je connais le mieux. Je vais t'en raconter une ou deux ou trois, tirées du jardin parfumé. Et le roi Shahriar dit : en ce cas, hâte-toi de commencer, car je sens mon âme envahie par un grand ennui ce soir, et je ne suis plus certain de la conservation de la tête sur tes épaules jusqu'au matin. Et Shahrazade, souriante, dit : voici, mais je te préviens, ô roi fortuné, que ces anecdotes, toutes morales qu'elles sont, peuvent passer aux yeux des gens grossiers, à l'esprit étroit, pour des anecdotes libertines. Et le roi Shahriar dit : que cette crainte ne t'arrête point, Shahrazade. Toutefois, si tu penses que ces anecdotes morales ne peuvent être entendues par cette petite qui t'écoute blottie à tes pieds sur le tapis, dis-lui de s'en aller au plus vite. D'ailleurs, je ne sais point au juste ce qu'elle fait ici, cette petite-là. À ces paroles du roi, la petite Doniazade, craignant d'être chassée, se jeta dans les bras de sa grande sœur, qui la baisa sur les yeux, la serra contre sa poitrine et calma son âme chérie. Puis elle se tourna vers le roi Shahriar et dit : je crois tout de même qu'elle peut rester, car il n'est point répréhensible de parler des choses situées au-dessous de la taille, vu que toutes choses sont propres et pures aux âmes propres et pures. Et aussitôt, elle dit : les trois souhaits. Il m'est revenu, ô roi fortuné, qu'un certain homme, aux bonnes intentions, avait passé toute sa vie dans l'attente de la nuit miraculeuse que promet le livre aux croyants, doués de foi ardente. Cette nuit nommée la nuit des possibilités de la toute-puissance, où l'homme pieux voit se réaliser ses moindres désirs. Or, une nuit des dernières nuits du mois de Ramadan, cet homme, après avoir jeûné strictement toute la journée, se sentit soudain vivifié des grâces divines, et il appela son épouse et lui dit : écoute-moi, femme, je me sens ce soir en état de pureté devant l'Éternel, et sûrement cette nuit va être pour moi la nuit des possibilités de la toute-puissance. Comme tous mes vœux et souhaits seront sûrement exaucés par le rétributeur, je t'appelle pour te consulter auparavant sur les demandes qu'il me faut faire. Car je te sais de bons conseils et souvent tes avis m'ont été profitables. Inspire-moi donc les souhaits à formuler. L'épouse répondit : ô homme, combien de souhaits as-tu droit ? Il dit : à trois. Elle dit : commence alors par exposer à Allah le premier des trois désirs. Tu sais que la perfection de l'homme et ses délices résident dans sa virilité, et que l'homme ne peut être parfait s'il est chaste, eunuque ou impuissant. Par conséquent, plus le zeb de l'homme est considérable, plus sa virilité est grande et le fait s'acheminer dans la voie de la perfection. Prosterne-toi donc humblement devant la face du Très-Haut et dis : ô bienfaiteur, ô généreux, fais grossir mon zeb jusqu'à la magnificence. Et l'homme se prosterna, et tournant ses paumes vers le ciel, dit : ô bienfaiteur, ô généreux, fais grossir mon zob jusqu'à la magnificence. Or, à peine ce désir avait-il été formulé, qu'il fut exaucé, et au-delà, à l'heure et à l'instant. Car aussitôt, le saint homme vit son zob se gonfler et se magnifier, tellement qu'on l'eût pris pour une calebasse reposant entre deux grosses citrouilles. Et le poids de tout cela était si considérable qu'il obligeait son propriétaire à se rasseoir quand il se levait et à se lever quand il se couchait. Aussi, l'épouse fut si terrifiée à cette vue qu'elle s'échappait par la fuite toutes les fois que la plaie allaissait le saint homme. Et elle s'écriait « Comment veux-tu que je fasse l'essai de cet outil dont le simple jet est capable de perforer les rochers d'outre en outre ?» Et le pauvre homme finit par lui dire « Ô femme exécrable, que me faut-il faire de cela maintenant? C'est ton œuvre, ô maudite !» Elle répondit « Le nom d'Allah est sur moi et autour de moi. Prie sur le prophète, ô vieillard à l'œil vide. Moi, par Allah, je n'ai point besoin de tout cela, et ne t'ai point dit d'en demander autant. Prie donc le ciel de te le diminuer. Ce sera là ton second souhait. » Le saint homme leva alors les yeux au ciel et dit « Ô Allah, je te supplie de me débarrasser de cette encombrante marchandise et de me délivrer du tracas qu'elle me procure. » Et aussitôt l'homme devint lisse quant à son ventre, sans plus de traces de zob et d'œufs que s'il était une jeune fille impubère. Mais cette disparition complète ne le satisfit guère, pas plus lui que son épouse, qui se mit à l'invectiver et à lui reprocher de l'avoir jamais frustré de son dû. Aussi, la peine du saint homme fut à l'extrême. Et il dit à son épouse, « Tout cela est ta faute et vient de tes conseils insensés. Ô femme sans jugement, moi j'avais droit à trois souhaits devant Allah et je pouvais choisir à mon gré ce qui me plaisait le mieux des biens de ce monde et de l'autre. Et voilà que deux de mes vœux ont déjà été exaucés, mais c'est tout comme si de rien n'était. Et me voici dans une condition pire que la précédente. Mais comme il me reste encore le droit de formuler mon troisième souhait, je vais demander à mon Seigneur de me faire réintégrer dans ce que je possédais tout à fait au commencement. » Et il pria son Seigneur qui exauça son vœu. Et il rentra dans ce qu'il possédait au commencement. La morale de cette anecdote est qu'il faut se contenter de ce que l'on a. Thank you. Shahrazad dit : Le jeune garçon est le masseur du hammam. Il m'est raconté au roi fortuné qu'un certain masseur de hammam avait pour client ordinaire les fils des notables et des plus riches habitants, car le hammam où il exerçait son métier était le mieux achalandé de toute la ville. Or, un jour d'entre les jours, entra dans la salle où il attendait les baigneurs un garçon encore vierge de poils, mais bien dodu et riche en rondeur de tous les côtés à la fois. Et ce garçon était bien beau de visage. Il était même le fils du grand vizir du roi de la ville. Aussi le masseur se réjouit-il de masser le corps si doux de cet adolescent délicat, et il se dit en son âme : Voilà un corps où la graisse a partout mis des coussins soyeux. Quelle richesse de forme, et qu'il est dodu ! Et il l'aida à s'étendre sur le marbre tiède de la salle chaude, et commença à le frictionner avec un soin tout spécial. Et lorsqu'il fut arrivé près des cuisses, il fut à la limite de la stupéfaction, en remarquant que le zob du gros garçon atteignait à peine le volume d'une noisette. À ce moment de sa narration, Shahrazad vit apparaître le matin, et discrète se tut. Mais lorsque fut la 503e nuit, elle dit : Il fut à la limite de la stupéfaction en remarquant que le zob du gros garçon atteignait à peine le volume d'une noisette. Et, voyant cela, il se mit à se lamenter en son âme et à frapper ses mains l'une contre l'autre en s'arrêtant tout court dans le massage qu'il faisait. Lorsque le jeune garçon vit le masseur en proie à un tel chagrin et sa mine bouleversée de désespoir, il lui dit : Qu'as-tu, ô masseur, à te lamenter aussi au-dedans de ton âme et à frapper tes mains l'une contre l'autre ? Il répondit : Hélas, mon seigneur, mon désespoir et mes lamentations sont à ton sujet, car je vois que tu es affligé du plus grand malheur dont un homme puisse être atteint. Tu es jeune, dodu et beau, et tu possèdes toutes les perfections du corps et du visage, et tous les bienfaits dispensés par le rétributaire à ceux qui les lient. Mais justement, tu manques de l'instrument de délice, celui sans lequel on n'est pas un homme, et on n'a pas les apanages de la virilité qui donne et qui reçoit. Est-ce que la vie serait la vie sans le zob et tout ce qui s'ensuit ? À ces paroles, le fils du vizir baissa tristement la tête et répondit : Mon oncle, tu as bien raison, et tu viens justement de me faire penser à ce qui fait le sujet de mon seul tourment. Si l'héritage de mon vénéré père est si petit, la faute est à moi seul qui jusqu'aujourd'hui ai négligé de le faire fructifier. Comment veux-tu, en effet, que le chevreau devienne un puissant bouc s'il se tient loin des chèvres incendiaires, ou que l'arbre se développe si on ne l'arrose pas ? Moi, jusqu'aujourd'hui, je me suis tenu loin des femmes, et nul désir n'est encore venu réveiller mon enfant dans son berceau. Mais il est temps, je pense, que se réveillent les endormis et que le berger s'appuie sur son bâton. » À ce discours du fils du vizir, le masseur du hammam dit : Mais comment fera le berger pour s'appuyer sur son bâton qui n'est pas plus gros que la phalangette du petit doigt ? Et le garçon répondit : Je compte pour cela, mon bon oncle, sur ton généreux vouloir. Tu vas aller sur l'estrade où j'ai laissé mes vêtements et tu prendras la bourse que tu trouveras dans ma ceinture. Et avec l'or qu'elle contient, tu iras me chercher une adolescente capable de commencer ce développement. Et moi, je ferai avec elle mon premier essai. » Et le masseur répondit : J'écoute et j'obéis. Il alla sur l'estrade, prit la bourse et sortit du hammam chercher l'adolescente en question. En cours de route, il se dit : Ce pauvre garçon s'imagine qu'un zeb est une pâte de caramel mou qui se développe tant et plus dès qu'on la touche ? Ou peut-être croit-il que le concombre devient concombre du jour au lendemain ? Ou que la banane mûrit avant de devenir banane ? Et riant de l'aventure, il alla trouver son épouse et lui dit : Ô mère d'Ali, sache que je viens de masser au hammam un jeune garçon beau comme la lune dans son plein. Il est le fils du grand vizir et il a toutes les perfections. Mais le pauvre, il n'a point un zob comme celui des autres hommes. Ce qu'il possède est à peine aussi gros qu'une noisette. Et moi, comme je me lamentais sur sa jeunesse, il m'a donné cette bourse pleine d'or, afin que je lui procure une adolescente capable de développer en un instant le pauvre héritage qu'il tient de son vénérable père. Car le naïf s'imagine que son zob va s'ériger comme ça, en un instant dès le premier essai. Mais alors j'ai pensé qu'il valait mieux que tout cet or restât dans la maison. Et je viens te trouver pour te décider à m'accompagner au hammam, où tu feras le simulacre de te prêter à l'essai sans conséquence du pauvre garçon. Il n'y a aucun inconvénient à la chose, et tu pourras même passer une heure à rire sur lui, sans aucun danger ni crainte. et moi je veillerai du dehors sur vous deux, et je ferai en sorte de vous protéger contre la curiosité des baigneurs. » En entendant ces paroles de son époux, la jeune femme répondit par l'ouïe et l'obéissance, et se leva, et se para, et se vêtit de ses plus belles robes. D'ailleurs, même sans parure ni ornement, elle pouvait faire tourner toutes les têtes et s'envoler tous les cœurs, car elle était la plus belle d'entre les femmes de son temps. À ce moment de sa narration, Shahrazad vit apparaître le matin et, discrète, se tut. Mais lorsque fut la 504e nuit, elle dit, car elle était la plus belle d'entre les femmes de son temps. Le masseur emmena donc son épouse et l'introduisit auprès du jeune fils du vizir, qui attendait toujours, étendu sur le marbre de la salle chaude. Et il les laissa seuls et sortit se poster au dehors pour empêcher les importuns de passer leur tête au travers de la porte. Et il leur dit de refermer cette porte sur eux en dedans. Quand donc la jeune femme vit l'adolescent, elle fut charmée de sa beauté, de lune, et lui également. Et elle se dit, quel dommage qu'il n'ait pas ce que possèdent les autres hommes, car ce que m'a raconté mon époux est bien vrai, il est à peine aussi gros qu'une noisette. Mais déjà l'enfant endormi entre les cuisses de l'adolescent s'était ému au contact de la jeune femme. Et comme sa petitesse n'était qu'apparente, et qu'à l'état de sommeil il était de ceux qui rentrent entièrement dans le giron de leur père, il commença par secouer sa torpeur. Et voici qu'il surgit soudain, comparable à celui d'un âne ou d'un éléphant, et vraiment très grand et très puissant. Et l'épouse du masseur, à cette vue, jeta un cri d'admiration et s'élança au cou de l'adolescent, qui la monta comme un coq triomphant. En une heure de temps, il la pénétra une première fois, puis une deuxième fois, puis une troisième fois, et ainsi de suite jusqu'à la dixième fois, alors que tumultueuse, elle s'agitait et gémissait et se remuait éperdument. Tout cela. Et de derrière le treillis en bois de la porte, le masseur voyait toute la scène et n'osait, par crainte de l'opprobre public, faire du bruit ou casser la porte. Et il se contentait d'appeler à mi-voix son épouse qui ne lui répondait pas. Il lui disait « Ô mère d'Ali, qu'attends-tu donc pour sortir ? La journée s'avance et tu as oublié à la maison ton nourrisson qui attend le sein. » Mais elle, située en dessous de l'adolescent, continuait ses ébats et au milieu des rires et des allaitements, disait « Non, par Allah, je n'aurai désormais à donner le sein à d'autres nourrissons que cet enfant. » Et le fils du vizir lui dit « Pourtant, tu pourrais bien aller un instant le nourrir pour aussitôt revenir. » Elle répondit « On me ferait sortir plutôt l'âme avant de me décider à rendre pour une heure orphelin de sa mère mon nouvel enfant. » Aussi, quand le pauvre masseur vit son épouse lui échapper de la sorte et refuser avec cette effronterie de revenir à lui, il fut dans un tel désespoir et une telle rage de jalousie qu'il monta sur la terrasse du hammam et se jeta de là pour aller se briser la tête dans la rue. Et il mourut. Or, cette histoire est pour prouver que le sage ne doit en rien se fier aux apparences. Mais, continua Shahrazad, l'anecdote que je vais te raconter démontrera mieux encore combien sont trompeuses les apparences et comme il est dangereux de se laisser guider par elles. De l'adolescent continuait ses ébats et au milieu des rires et des allaitements disait « Non par Allah, je n'aurai désormais à donner le sein à d'autres nourrissons que cet enfant. » Et le fils du vizir lui dit « Pourtant tu pourrais bien aller un instant le nourrir pour aussitôt revenir. » Elle répondit « On me ferait sortir plutôt l'âme avant de me décider à rendre pour une heure orphelin de sa mère mon nouvel enfant. » Aussi, quand le pauvre masseur vit son épouse lui échapper de la sorte, et refusait avec cette effronterie de revenir à lui, il fut dans un tel désespoir et une telle rage de jalousie qu'il monta sur la terrasse du hammam et se jeta de là pour lui se briser la tête dans la rue. Et il mourut. Or, cette histoire est pour prouver que le sage ne doit en rien se fier aux apparences. Mais, continua Shahrazad, l'anecdote que je vais te raconter démontrera mieux encore combien sont trompeuses les apparences et comme il est dangereux de se laisser guider par elles. Thank you. I hate the Americans. I'll kill them for you. Thank you. Mais, continua Shahrazad, l'anecdote que je vais te raconter démontrera mieux encore combien sont trompeuses les apparences et comme il est dangereux de se laisser guider par elles. Il y a blanc et blanc. Il m'est revenu, ô roi fortuné, qu'un homme d'entre les hommes s'est pris à l'extrême d'une charmante et belle adolescente. Et cette adolescente, modèle de grâce et de perfection, était mariée à un homme qu'elle aimait et dont elle était aimée. Et comme elle était en outre chaste et vertueuse, l'homme qui en était amoureux ne pouvait arriver à trouver un moyen de la séduire. Et comme il y avait déjà longtemps qu'il usait sa patience sans résultat, il pensa à employer quelque expédient soit pour se venger d'elle, soit pour vaincre son abstention. Or, l'époux de cette jeune femme avait chez lui, comme serviteur de confiance, un jeune garçon qu'il avait élevé dès l'enfance et qui gardait la maison pendant l'absence des maîtres. Aussi, l'amoureux évincé alla trouver ce jeune garçon et se lia d'amitié avec lui, en lui faisant divers cadeaux et le comblant de prévenances, tant et tant que le jeune garçon finit par être entièrement à sa dévotion et par lui obéir, sans restriction, en toutes choses. Quand donc l'affaire fut à ce point, l'amoureux dit un jour au jeune garçon « Ô tel, je voudrais bien aujourd'hui visiter la maison de ton maître, une fois que ton maître et ta maîtresse seront partis. » Il répondit « Certainement. » Et lorsque son maître fut parti pour sa boutique et que sa maîtresse fut sortie pour aller au hammam, il alla trouver son ami, le prit par la main, et l'ayant introduit dans la maison, lui fit visiter toutes les pièces et voir tout ce qu'elles contenaient. Or l'homme, qui était fermement résolu à se venger de la jeune femme, avait déjà préparé le tour qu'il voulait lui jouer. Donc, lorsqu'il fut arrivé dans la chambre à coucher, il s'approcha du lit et y versa le contenu d'un flacon qu'il avait pris soin de remplir de blanc d'œuf. Et il fit si discrètement la chose que le jeune garçon ne s'aperçut de rien. Après quoi, il sortit de l'appartement et s'en alla en sa voie. À ce moment de sa narration, Shahrazad vit apparaître le matin et discrète se tut. Mais lorsque fut la 505e nuit, elle dit. Il sortit de l'appartement, s'en alla en sa voie, et voilà pour lui. Quant à l'époux, voici. Lorsque vers le coucher du soleil, il eut fermé sa boutique, il rentra dans sa maison, et comme il était fatigué de toute une journée de ventes et d'achats, il alla à son lit et voulut s'y étendre pour se reposer. Mais il aperçut une large tache qui maculait les draps et recula, étonné et méfiant, à la limite de la méfiance. Puis il se dit « Qui a bien pu pénétrer dans ma maison et faire ce qu'il a pu faire avec mon épouse ? Car ceci que je vois est de la semence d'homme, sans aucun doute. » Et pour s'en assurer, le marchand plongea son doigt au milieu du liquide et dit « C'est cela même. » Alors, plein de fureur, il voulut tout d'abord tuer le jeune garçon. Mais il se ravisa, pensant « Une tâche si énorme ne peut être sortie de ce jeune garçon, car il n'est pas encore à l'âge où se gonflent les œufs. » Il l'appela pourtant, et la voix tremblante de fureur lui cria « Misérable avorton, où est ta maîtresse ?» Il répondit « Elle est allée au hammam. » À ces mots, le soupçon ne fit que se consolider dans l'esprit du marchand, puisque la loi religieuse veut que les hommes et les femmes aillent au hammam faire une ablution complète toutes les fois qu'il y a eu copulation. Et il cria au garçon « Cours vite la presser de rentrer !» Et le garçon s'empressa d'exécuter l'ordre. Lorsque son épouse fut rentrée, le marchand, dont les yeux roulaient de droite et de gauche dans la chambre même où se trouvait le lit en question, sans prononcer une parole, bondit sur elle, la saisit par les cheveux, la renversa à terre et commença par lui administrer une raclée à grand renfort de coups de pied et de coups de poing. Après quoi elle lui lia les bras, prit un grand couteau et s'apprêta à l'égorger. Mais à cette vue, la femme se mit à lancer de grands cris et à hurler de travers, et si fort que tous les voisins et voisines accoururent au secours et la trouvèrent sur le point d'être égorgée. Alors ils éloignèrent de force le mari et demandèrent la cause qui nécessitait un tel châtiment. Et la femme s'écria « Je ne sais point la cause !» Alors tous crièrent au marchand « Si tu as à te plaindre d'elle, tu as le droit soit de divorcer d'avec elle, soit de la réprimander avec douceur et aménité. Mais tu ne peux la tuer, car pour être chaste, elle est chaste, et nous la connaissons comme telle, et en témoignerons devant Allah et devant le Cadi. Elle est depuis longtemps notre voisine, et nous n'avons remarqué dans sa conduite rien de répréhensible. Le marchand répondit : Laissez-moi l'égorger, cette débauchée. Et si vous voulez avoir la preuve de ces débauches, vous n'avez qu'à regarder la tache liquide qu'ont laissée les hommes introduits par elle dans mon lit. » À ces paroles, les voisins et voisines s'approchèrent du lit, et chacun à son tour plongea le doigt dans la tache et dit : C'est là un liquide d'homme. » Mais à ce moment, le jeune garçon, s'étant approché à son tour, recueillit dans une poêle à frire le liquide qui n'avait pas été absorbé par le drap, approcha la poêle du feu et en fit cuire le contenu. Après quoi il prit ce qu'il venait de cuire, en mangea la moitié et en distribua l'autre aux assistants en leur disant « Goûtez-en, c'est du blanc d'œuf !» Et tous, ayant goûté, s'assurèrent de la sorte que c'était réellement du blanc d'œuf, même le mari qui comprit alors que son épouse était innocente et qu'il lui avait injustement accusé qu'il l'avait injustement accusé et maltraité. Aussi, il se hâta de se réconcilier avec elle, et pour sceller leur bonne entente, lui fit cadeau de 100 dinars d'or et d'un collier d'or. Or, cette courte histoire est pour prouver qu'il y a blanc et blanc, et qu'en toute chose, il faut savoir faire la différence. Lorsque Shahrazad eut raconté ces anecdotes au roi Shahriar, elle se tut. We'll be right back. I thought I'd let you know. Next time you go and buy a record and you think you're really alternative and groovy and everybody is into the alternative charts, remember it's just like the other side, except it's a bit stranger. Everybody is into the alternative charts. Remember, it's just like the other side, except it's a bit stranger. Just like the other side, except it's a bit stranger. Just like the other side, except it's a bit stranger. Just like the other side, except it's a bit stranger. Just like the other side, except it's a bit stranger. Just like the other side, except it's a bit stranger. Just like the other side, except it's a bit stranger. Vous écoutez Canal Sud, 92.2 FM. Stanexia.